Hein. Dans la cité, y'a pas de démocratie, le plus fort il domine comme un tyran. J'commande un nouveau Beretta sur le dark web, ça sort du polystyrène. T'as récupéré le hasi, c'est bien, on verra combien de temps ça va durer. Ici le guetteur fait du son, il fait des harmonies sur les chants des sirènes. T'as montré des réglés, si tu te crois en avance. Prouve-nous que t'es réglo, après ça on t'avance. Ni poids lourd, ni poids plume, j'suis hors catégorie. J'les vois gaulerie, si l'homme descend du singe, moi j'descends du gorille. Ces boys in the hood, ça tire en l'air comme un crème chaud. J'vais le faire tant qu'il est chaud, avant que les blèmes pro nous rendent chop. L'évêque la pharmacie, viens pécho ton calmant. Matrixé dans le RS6, de Marseille à Paname. MG, Moula, Marseille, Paris, c'est nous le classico de l'année. Gros bisous à Yafa, mon grand frère encore condamné. J'ai galéré tant d'années, comprends que j'ai plus trop d'amis. Je le fais pour mettre bien la famille, je fais que checker les camés. Je suis dans la rue, je lui réponds pas. La miss, rien qu'elle me prend la tête. On pratique pas le full contact, on a des armes, des gants latex. MIG Moula. J'suis plus en promenade à Fleury, j'ai roulé un gros joint de bœuf. J'suis à Marseille au studio avec le J. J'vais leur sur comme un 357, comme un Corse, comme un DZ. C'est pas la malasse, tu dois des sous. Ça va te chercher jusqu'à ce que tu décèdes. On est pas du genre à pépon, mec du béton. On est deux spies comme un deux temps. Là on s'éteint, on les éteint. Et le poteau, il a le piton dans la viton. Midi, midi, pas de mi-temps. Fiston, j'suis au micro, c'est la Honda. Pour les Romy, pour les Honda. Nique les Honda dans le quartier. Usé Honda, y'a des bandits sur le banshee. Ouais, c'est le J, ouais, c'est logique. Faut que tu cogites, t'as des gros hits, t'as du bon shit, t'as des bons chiffres. Nique les fils d'eux qui me rabaissent à tout le monde. Qui me disent en face, tu es un plus de cash, casse ta puce. De l'argent ou du plomb, c'est l'astuce. Oh bah, j'suis un top boy comme un cowboy, j'vais les gifler. J'parle pas de gadji quand j'te dis qu'il est chargé le tarpé. Douda, pas de place. J'dois faire le tour de l'Atlas. Boum boum boum, ta trace. Qui t'a dit qu'il y aurait pas de casse? Douda, un gros classique pour le grand classico. Monstre, ces BDH me reverront pas si tôt. Sous le bruit des guitares, ça, on écrit l'histoire et fils de tes pas d'âme. Pas de place, yes. Je dois faire le tour de l'Atlas. Boum boum boum, ta trace. Qui t'a dit que tu aurais pas de casse? Comprends pas. Quand je rêve d'argent, je me réveille me noter. Ils veulent pas de nous, c'est noté. T'as 40 ans, t'as rien de côté. J'aime les sommes. Toi t'agis comme si t'aimes les hommes. Y'a plus d'espoir, tous les soirs la guitare résonne. Qu'est-ce qui me manque? 2-3 millions à la banque. Ils veulent que je parle, je suis pas une langue. MJ de mûrir, je suis pas une mangue. Je rentre pas par la porte, on va sonner chez toi et c'est pas la poste. On a grandi dans l'impasse, le polo je le mets pas si c'est pas la coste. Les accolades, les sourires de façade, ils sont tous en train de pister ton assiette. 4 fils de pute dans la passade, nouvelle télé, toujours la même cassette. Oh papa l'amour, tous les jours le diable me fait la cour. Oh y'a pas d'amour, tu tires ou tu pointes, ça tire et tu cours. Attends, sous le bruit des guitares, ça, on écrit l'histoire et fils de tes patons. Ça coche de mille, la bague fait l'enquête. Les poux qui meurent d'une balle dans la tête. Alcoolisé, j'prends le volant quand même. Ghettoisé, j'crois que c'est pour ça qu'elle m'aime. Organisé plus que n'importe quelle mafia. Faut te méfier, tu peux même appeler les mchirs. Nous on sera en train de tailler, en train de racailler, en train de racailler. Des tailles, des lamelles, des sachets de CC. Number one, tu le CC. Nous on la vend, on la tape à la CC. Oh, j'bombarde sous la A7. Des ballots sous la moquette. Cherche à faire le bénéfice. Quand ça boycotte, je chez Nef. Là, j'suis dans ma ville. J'ai toujours pas la villa. J'rêve de construire dans mon village. Le temps passe, je prends de l'âge. J'suis un passe-partout. Comme Bruce Lee. Pas gros star dans la thèse, j'suis dans le 13 avec gros solar qui encaisse. Les keufs passés, ça sent l'amnèse. Elle m'a vu sur trace, elle me voit en Kanye West. Bah les coups, tu sois dans le Bellator, tu te manges une balle à terre, tu finis comme tous tes plans. Putain, fuck, elle traite. Y'a que les putes qui font son blanc. Négro, choisis bien ton camp. Oh la loi, fuck, un kiss day. Oh la la, elle veut me cucuper. Reste pas, ça va te lister. Dans le bas, défoncé sous beuh. Sur le terrain, faut le talent. Coupe la gueule dans le hall, tu sens la biche. Tout le monde est sous ballon, tout le monde est fire sous cannabis. Pas d'autre placé dans le test, stupe. Pas de sexe, cap que des sexes, stupe. La fumette qui t'arrache la tête, t'es mal à texture. Pas de place, c'est dans le test, stup. Pas de sexe, que de sexe, stup. La fumée qui t'arrache la tête, fais mal à texture. Je reviens d'un game pour tout reprendre. Je remets le produit de qualité. Et par que Dieu leur met pour les surprendre. Va mettre le fuego comme à l'idée. Oh, mais qui c'est ce putain de nez? Chulo, papi, chulo. Organisé comme la pêche, pull up, c'est un coulo. Depuis longtemps dans mon coin, j'attends, j'rasis, j'entends ces bâtards, j'acte. Depuis longtemps que j'attends le béno, frérot, j'peux pas manquer d'essai. Auto, dis-moi c'est combien j'paye en cash. J'en fais la hagra comme les Dutch. Bonbon, ballon, en vrai je les vois comme des gueules. J'reviens de loin, mon vieux, j'peux pas abdiquer. Toujours au check, si tu veux me check, pourtant j'attends de la quitter. J'ai vu tellement de sang par terre, j'ai plus peur des mzingas. La faucheuse, qu'elle me guette, mais j'ai pas pris mon ticket. Aujourd'hui, mets-moi les billets dans le même sens. Ils ont buté pas qu'à 25 balais, j'meurs en juillet prochain, j'suis une légende. T'es con? Encore un comment qui vient foutre le désordre. C'est moi le pirate qui vient retrouver le trésor. J'suis pas compressé dans ma co-compresseur. Vendeur de neige, j'fais du buggy dans le désert. Ok, ok, ok, ok. Elle sait que j'fais du son, elle m'a trouvé mignon, elle veut m'amener au terre. Je sais que j'avais bon, mais j'suis pas le plus con, j'aurais pas la doter. Ok, ok, ok. Elle sait que j'fais du son, elle m'a trouvé mignon, elle veut m'amener au terre. Sous le bruit des guitares, ça, on écrit l'histoire et fils de tes bâtons. Semblant d'y croire, ça, ça se voit même dans le noir. Sacoche de mille, la bague fait l'enquête. L'époux qui meurt d'une balle dans la tête. Alcoolisé, j'prends le volant quand même. Ghettoisé, j'crois que c'est pour ça qu'elle m'aime. Sacoche de mille, la bague fait l'enquête.